13 francs, observation, apparence et simulation. Apparence, c'est peut-être vrai. Il a l'air malade. Simulation, ce n'est pas vrai. Il fait semblant d'être malade. Il a l'air de comprendre. Il fait semblant de comprendre.